travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Cherche sur la terre de Colchide. Mais la Colchide, c'est aux confins du monde. Nul grec n'a navigué jusque-là. Entendez, Jason. Quelle nef est assez solide pour atteindre les confins du monde? Quel marin assez brave pour se joindre à ton destin? J'inviterai les plus braves et les plus forts des Grecs. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Regardez loin, très loin, dans le temps et dans l'espace, avec pleinement la force du rêve. Rien plus que notre confinement ne paraît pouvoir en créer le désir, un désir qui est parfois violent. Donc, j'ai choisi d'y répondre ce matin, sous un angle particulier, en consacrant cette émission à une époque éloignée, celle des Égyptiens, des Grecs et des Romains. Nous nous y transportons souvent, mais en l'occurrence, ce sera selon une interrogation spécifique. Il s'agira d'éclairer les incertitudes qui furent les leurs à propos d'une série de questions qui étaient destinées à les tarauder. Quelles étaient les limites du monde qui était le leur? Où ce monde s'arrêtait-il? À supposer qu'il s'arrêta quelque part. Était-ce dans le concret de leurs expéditions, qui furent parfois plus lointaines que nous ne l'imaginons aujourd'hui? Dans les appétits impétueux de leurs marchands, dans les spéculations de leurs savants, dans les descriptions de leurs géographes, dans l'imagination de leurs poètes? Au fil de ces temps lointains, ces questions ne cessèrent pas de prospérer. La planète était-elle plate ou sphérique? Un univers aquatique entourait-il les terres qu'on connaissait? Existait-il vers le nord, le sud, l'est, l'ouest, d'autres mondes habités et habités par qui? À ces questions, nous avons pour ce qui nous concerne évidemment répondu, mais sont-elles pour autant complètement désuètes si on les transpose dans l'espace planétaire qui entoure notre Terre et qui suscite autant de fantasmes que ceux que nourrissaient nos ancêtres? Nous n'en avons fini ni avec les limites d'un univers, ni avec l'efflorescence des fascinations qui se déploient alentour. Mon invité est Maurice Sartre, naturellement Maurice Sartre, puisqu'il est riche d'une familiarité avec l'Antiquité gréco-romaine qui n'a jamais cessé d'impressionner. Dans les régions au-delà du pays des Celtes, il est dans l'océan une île au moins aussi grande que la Sicile. Cette île, située au nord, est habitée par les Hyperboréens, qu'on nomme ainsi parce que leur résidence est au-delà du lieu d'où provient le vent du nord, Borée. Cette île est fertile en produits de toutes sortes. Et comme elle possède un climat particulièrement tempéré, elle fournit deux moissons l'an. À propos d'elle, on raconte la légende suivante. Leto est né sur cette île. C'est pourquoi Apollon y est célébré plus que les autres dieux. Les habitants sont en fait des prêtres d'Apollon puisque chaque jour ils ne cessent de louer ce dieu par leurs chants et de l'honorer. Sur cette île existe à la fois une magnifique enceinte sacrée d'Apollon et un temple remarquable orné de nombreuses offrandes votives qui est de forme sphérique. Qui plus est, une cité se trouve là consacrée à ce dieu. La majorité de ses habitants sont des joueurs de cithare. Et ils jouent sans interruption de leur instrument dans le temple et chantent des hymnes de louange aux dieux, glorifiant ses faits. Les Hyperboréens ont un langage qui leur est propre, et ils tiennent en grande amitié les Grecs, particulièrement les Athéniens et les Déliens, qui ont hérité de cet heureux caractère depuis les temps les plus anciens. D'après le mythe, certains Grecs ont rendu visite aux Hyperboréens, et laissé derrière eux de riches offrandes votives écrites en caractères grecs. De la même manière, Abaris, un hyperboréen, est venu en Grèce dans les temps anciens et a renouvelé les liens d'amitié et de parenté de son peuple avec les Déliens. Diodore de Sicile. Maurice Sarthe, bonjour. Bonjour. Oui, c'était un texte de notre collègue, l'historien Diodore de Sicile, du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il m'a paru pouvoir ouvrir assez bien cette conversation. Le texte est lu ici par Jacques Frantz dans les après-midi de France Culture de Marie-Hélène Fressé, le 29 mars 1983. Ce Diodore, il vous est familier ? Oui, si on veut, parce que il a laissé une œuvre importante, même si elle est à l'état parfois de fragments pour une grande partie des livres. Mais ce texte est très intéressant parce qu'il nous jette d'emblée au cœur du problème que rencontre l'historien lorsqu'il veut s'intéresser à la manière dont les anciens concevaient le monde et le connaissaient. C'est-à-dire que Diodore s'empare ici d'un mythe bien connu des Grecs, celui des Hyperboréens. Mais comme souvent avec les Grecs, les mythes, c'est aussi un élément de la réalité. Et on est toujours à cheval entre deux mondes, si je veux dire, le réel et la légende. Cette rencontre va dominer toute notre conversation. C'est exactement pour ça que le texte est intéressant. Je crois que maintenant, on a rejeté les Hyperboréens des Grecs dans les mythes qui peuplent en quelque sorte l'imaginaire des Grecs, d'autant plus qu'on connaît à peu près les mêmes traits de vie, de description en Inde. Les Indiens ont aussi un mythe d'un peuple de l'extrême nord du continent, enfin qui habite au-delà dans le fond des pays enneigés et pour lesquels ils racontent à peu près les mêmes choses. Et donc on a probablement, y a-t-il contamination des uns vers les autres, c'est possible, c'est pas certain, parce qu'il peut y avoir des recoupements ou des créations, j'allais dire, originales des deux côtés, avec des recoupements, mais Borée, c'est le vent. Borée, c'est le vent du nord, oui. Donc les Hyperboréens, c'est en quelque sorte les gens qui habitent au-delà du nord. Mais ça marque bien aussi une des difficultés pour les anciens, c'est qu'ils ne connaissent pas les limites du monde. Et on place donc au-delà des terres connues, on sait qu'il y a des terres enneigées, qu'il y a des pays où il fait très froid quand on va vers le nord, et là on place encore au-delà, après le pays, dirait un autre poète grec, après la zone où il y a des griffons qui gardent les mines d'or, eh ben il y a les Hyperboréens qui viennent honorer Apollon à Délos. C'est pour ça qu'il y a une allusion tout à l'heure dans le texte à Délos. On y projette son propre panthéon. C'est habituel chez les Grecs. De toute façon, ils appellent du nom de leur dieu les dieux des autres. C'est vieux comme les Grecs, on peut dire. Ils ont tendance à faire cette assimilation, on le verra beaucoup plus tard à l'époque d'Alexandre et même sous l'Empire romain. Donc, mais ça, c'est un autre problème. Alors nous allons naturellement voyager beaucoup pendant cette émission, Maurice Sarthe. Les Grecs aimaient beaucoup voyager, d'ailleurs. C'était un point sur lequel Jacqueline de Romilly, la grande helléniste, insistait beaucoup. Ils avaient la bougeotte, disait-elle. Oui, c'est vrai qu'ils bougeaient beaucoup, mais ils bougeaient surtout dans un monde limité qu'était le monde méditerranéen. On va le voir, ils ont pu bouger beaucoup plus loin, mais relativement tard. Alors nous allons voir ça, en effet. Vous publiez un livre important, encore un, qui s'appelle « Le bateau de Palmyre, quand les mondes anciens se rencontraient du 6e siècle avant Jésus-Christ au 6e siècle après Jésus-Christ, pratiquement un millénaire ou davantage. » On a parfois peine aujourd'hui à imaginer cette longue durée. On a l'impression que la mémoire contracte ces temps de la Grèce et de Rome. Oui, je crois que pour ce genre d'études, il faut prendre la longue durée, d'abord parce que la documentation, elle n'est pas très, très, très abondante. Et puis, je crois que c'est un moyen de voir les progrès, si on peut dire, ou les progrès de la connaissance, l'enrichissement des connaissances sur une période longue. Et c'est sûr qu'entre l'époque d'Hérodote, sans remonter au 6e siècle, j'ai pris vers 600 parce que c'est le premier grand voyage connu, qui est d'ailleurs pas l'œuvre des Grecs, mais des Phéniciens, à la demande d'un pharaon égyptien, le voyage organisé par Nécao pour le faire le tour de l'Afrique. Oui, nous allons le suivre dans cet extraordinaire périple. Et je me suis arrêté vers 600, c'est vers 600, la vraie rupture en fait c'est la conquête islamique qui brise en quelque sorte les liens qui reliaient la Méditerranée à l'Extrême-Orient et à l'Inde, au moins en tout cas pendant un temps. Alors pourquoi appelez-vous ce livre, Maurice Sartre, le bateau de Palmyre ? Vous avez une grande affection, une tendresse d'ailleurs chagrine, si je puis dire aujourd'hui, pour Palmyre, sur lequel vous avez publié un beau livre avec Annie Sartre. Oui, alors le bateau de Palmyre, pourquoi ? Parce que on a à Palmyre un bas-relief qui représente un bateau, mais pas seulement un bateau. Malheureusement, l'image qui figure dans le livre n'est pas la bonne, c'est-à-dire qu'elle est incomplète par rapport à celle qu'il aurait fallu mettre. Vous avez des rapports tumultueux avec vos éditeurs. Non, je crois qu'ils ont pris celle-ci parce qu'elle était en couleur et que l'autre n'existe qu'en noir et blanc. Mais ce relief représente un personnage debout qui tient deux cordes. Au bout d'une corde, un bateau qui est très bien conservé, qu'on voit très bien, qui est un bateau marchand tel que ceux qui naviguent en Méditerranée ou partout ailleurs, parce qu'on a la même chose dans l'océan Indien. Avec des belles voiles, j'ai les yeux. Et ce qu'on ne voit pas sur ce relief, mais qui existe, on peut trouver la photo ailleurs, il tient au bout de l'autre corde un chameau, dont il ne reste malheureusement plus que les pattes avant, mais suffisamment pour savoir que c'est un chameau. Et c'est ce qui m'a frappé, c'est de voir comment Palmyre, qui est réputée évidemment comme une oasis, et les moyens de transport que les gens de Palmyre mettent à la disposition des marchands, essentiellement des chameaux, eh bien les gens de Palmyre avaient aussi investi dans le bateau. Dans le bateau, parce qu'il y a aussi une inscription qui nous explique que des marchands revenus de Siti, c'est-à-dire de l'Inde du Nord-Ouest, remercient le chef caravanier, en quelque sorte, qui les a ramenés sains et saufs, alors qu'ils ont navigué sur le bateau d'un certain Onaïnou. Et donc on voit que même au milieu du désert syrien, on investit aussi sur mer, parce que c'est un complément, en quelque sorte, indispensable pour les commerçants. Il faut dire que votre chère Zénobie, la reine de Palmyre, avait également un esprit assez aventureux. Oui, mais c'est une autre histoire. Alors donc, je renvoie uniquement à votre livre sur ce sujet, et je reviens vers le nôtre, c'est-à-dire la question de l'idée que les Grecs et les Romains pouvaient se faire des limites. D'abord, est-ce que pour eux, la Terre était plate ou sphérique ? Non, alors, depuis le 5e, ou en tout cas le 4e siècle, de façon certaine, il est clair pour les Grecs que la Terre est une sphère, que c'est une grande boule, en quelque sorte. On ne connaît pas les limites des terres habitées, mais personne ne met en cause réellement le fait qu'il s'agisse d'une boule. Ça sera remis en cause, curieusement, tardivement, mais pour des raisons, j'allais dire idéologiques, je devrais dire plutôt théologiques. Un des auteurs que j'utilise et que je cite assez souvent, qui s'appelle Cosmas Indicoplestès, qui est un auteur du 6e siècle, lui voit la Terre comme une sorte de tabernacle. Mais vous comprenez bien qu'il est totalement orienté par une vision théologique. Eschatologique. Eschatologique et théologique de la représentation du monde, qui n'a plus grand-chose à voir avec les connaissances géographiques. Mais parce qu'il y a deux espaces superposés chez Cosmas. Oui, c'est... Et puis alors c'est dans une boîte, c'est assez compliqué à comprendre et à admettre, mais on peut s'en tenir à l'idée que pour les Grecs, en général, la Terre est ronde, c'est une sphère. Ératosthène a même calculé la distance entre deux parallèles. Au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et il avait montré que c'était sphérique, puisqu'il avait fait faire des mesures de l'ombre au même moment, à la même heure, le même jour, à Assouan, à Sienne. Et à Alexandrie. Pour Platon, aucun doute, dans le Timée, il montre la Terre comme sphérique. Absolument. Mais est-ce qu'elle tourne ? Alors, ne rentrons pas dans les problèmes d'astronomie, parce que c'est plus compliqué, et là-dessus, je suis guère compétent sur l'astronomie, mais disons que sur la forme de la Terre, sur sa courbure, sur les calculs qu'il faut faire, par exemple, on voit Marin de Tyr se trompe, dit Ptolémée, parce qu'il calcule 400 stades entre deux méridiens, alors qu'au 40e parallèle, eh bien évidemment c'est plus court et il faut calculer que 400 au lieu de 500, etc. Donc on peut dire que tous les savants, je ne sais pas ce qu'il en était dans la population de base, mais tous les savants sont d'accord là-dessus. Ça, c'est un point acquis. Mais alors, du coup, est-ce qu'ils imaginent qu'on puisse tourner tout autour ? Ils imaginent un océan, l'océan qui bornerait toutes les terres ? Alors, globalement, l'image traditionnelle, c'est que les terres habitées sont entourées d'eau. Il y aurait un océan extérieur qui entoure toutes les terres. Mais ce n'est pas vérifié. Je veux dire par là qu'ils ne l'ont pas vérifié pratiquement nulle part. Ils le voient à l'ouest de l'Europe. Ils voient que là, il y a un océan. Est-ce que c'est bien le même océan qu'on retrouve au sud de l'Arabie? C'est une question qui se pose. Et c'est là l'enjeu notamment des grands voyages qui sont organisés dans les différentes directions. De même qu'on pense qu'il y a cet océan englobe aussi le nord de l'Europe et de l'Asie. Mais là aussi, on l'imagine comme navigable, ce qui, on le sait, n'est pas le cas. Alors on voit apparaître dès le VIe siècle avant notre ère, chez un auteur qui s'appelle Anaximandre de Milet, l'idée de l'infini, de l'illimité, c'est-à-dire de l'apeiron. Oui, mais... Ils pensent ça vraiment comment évoquent-ils ça? Je crois que dans l'Antiquité, il n'y a pas de spécialisation. C'est-à-dire que le même homme est à la fois philosophe, mathématicien, géographe, historien éventuellement, pourquoi pas. Et donc, il y a un mélange à la fois de spéculation intellectuelle et de prise en compte des réalités. J'ai peu insisté personnellement dans ce livre sur la spéculation intellectuelle des anciens. Et je me suis attaché au contraire, c'est un travail de l'historien, aux réalités, c'est-à-dire qu'est-ce que les voyages réels entrepris dans l'Antiquité ont apporté de nouveau, comment ont-ils nourri en quelque sorte un progrès de la connaissance. Mais en sachant très bien que dans l'esprit des philosophes ou des mathématiciens, il peut y avoir concurrence entre la réalité et la spéculation. Donc le progrès des connaissances n'implique pas le recul du rêve? Non, d'une certaine manière, non, bien sûr. Alors venons-en à un cas précis que vous évoquiez déjà il y a un instant, c'est ce fabuleux voyage de Nekao, qui est en somme le plus ancien et le plus long voyage connu, le tour de l'Afrique par le sud, bien avant Vasco de Gama dans l'autre sens. Oui, c'est vrai, c'est un voyage sur lequel on a beaucoup douté, on a jeté l'opprobre, tout simplement parce que il y a guère qu'Hérodote qui en parle. Et Hérodote... Là, on est au 5e siècle avant donc Jésus-Christ. Au 5e siècle, et il rappelle que ce voyage a été organisé par un pharaon qui s'appelle Nekao II, qui règne autour de 600. Donc un siècle plus tôt, on est à distance. Siècle plus tôt, un bon siècle et demi même plus tôt, parce que Hérodote écrit vers la fin du 5e siècle. Et ce pharaon aurait voulu faire communiquer la mer Rouge et la Méditerranée, déjà. Ça, c'est un vieux rêve, mais c'est un autre sujet. Qui n'est pas le canal de Suez aujourd'hui, mais qui passerait par le Nil. Voilà, qui passerait par le Nil, et on voulait créer un canal qui reliait la branche la plus orientale du Nil à la mer Rouge. Simplement, il y a beaucoup de craintes là-dessus, parce qu'on ne sait pas si les mers sont toutes au même niveau. Donc on renonce, en fait. Voilà, et on a peur que les mers se déversent l'une dans l'autre et que ça crée des problèmes. Donc le pharaon renonce. Il y renonce et il embauche une équipe de Phéniciens, parce qu'ils sont réputés les meilleurs marins du monde, pour faire le tour de l'Afrique, voir si, à défaut de créer ce canal direct, on peut faire le tour de l'Afrique. Il a évidemment aucune idée de la dimension de l'Afrique. Et personne n'a la moindre idée, on ne sait même pas quelle forme ça peut avoir. Je dis l'Afrique, mais les Grecs à cette époque-là appellent la Libye. La Libye, c'est l'ensemble de l'Afrique. Ils pensent, les Grecs en tout cas, pensent que c'est un continent qui n'est pas très important. Au VIe siècle, et encore au Ve siècle, on est persuadé que l'Europe, à elle seule, est aussi grande que l'Asie et l'Afrique réunies. On verra qu'en 1000 ans, on a complètement changé de point de vue. Bon. Et donc, ils lancent cette expédition qui part par le sud de la mer Rouge, qui fait le tour de l'Afrique, c'est à peu près sûr, et dans la troisième année qui suit leur départ, on voit arriver un bateau. Alors il y avait trois bateaux, je crois, au départ, et il n'y en a plus qu'un à l'arrivée, mais ça, c'est les aléas de la navigation, qui arrive en Méditerranée venant de l'ouest et qui accoste sur les côtes égyptiennes. Après être passé par ce qu'on n'appelle pas encore, ce serait un anachronisme, le Cap de Bonne-Espérance. Exactement. Ce sera le nom que donnera Vasco de Gama. On a longtemps pensé que Hérodote jetait la suspicion sur cette expédition en disant c'est des blagues, alors qu'en fait le texte ne dit pas exactement ça. Il jette la suspicion sur un point, c'est que les marins, en revenant, dire qu'ils avaient, alors ils avaient fait des escales, ils s'étaient même installés pendant une certaine durée pour récolter de la nourriture, etc. Mais ils disent, d'Hérodote, ils disent une chose qui est totalement impossible, c'est qu'en naviguant vers l'ouest, c'est-à-dire vers le couchant, ils voyaient le soleil à leur droite. Alors pour Hérodote, là, c'est la preuve qu'il raconte n'importe quoi. Et curieusement, pour nous, aujourd'hui, c'est au contraire la preuve qu'ils disent vrai, qu'ils avaient fait vraiment le tour de l'Afrique, puisqu'effectivement, lorsqu'on passe l'équateur et qu'on se retrouve dans l'hémisphère sud, si on navigue vers l'ouest, on a le soleil au zénith à droite. Donc, je crois que Hérodote, pour autant, ne met pas vraiment en cause le fait qu'on puisse faire le tour de l'Afrique. Ce qu'on le sait moins, c'est que ce tour de l'Afrique, il est attesté à d'autres époques, plus tard. Il y a de grandes expéditions qui ont échoué. Je veux dire par là, par exemple, le périple d'Annon, un peu plus tard, n'a pas réussi à faire le tour de l'Afrique. Nous y viendrons. On voit, par exemple, qu'on a au moins deux exemples de bateaux qui, semble-t-il, sont des bateaux originaires de Gadès, donc de Cadix en Espagne, et dont les épaves ont été trouvées, une sur les côtes de l'Est africain, côte du Kenya ou de la Tanzanie, quelque chose comme ça, et un autre dans le golfe d'Aqaba, si on s'en tient aux sources antiques. Il y a une tête d'animal qui aurait été trouvée de... Oui, c'était quoi? La proue de ces bateaux, c'était des chevaux. Et d'ailleurs, ces bateaux, on les appelait des chevaux. Et c'est l'un des premiers à naviguer vers l'Inde, Dox de Cizik, qui avait vu une proue de ces bateaux. Il l'avait ramené à Alexandrie en se demandant ce que c'était. Et à Alexandrie, il allait sur le port, il a montré ça, et on lui a dit, mais ça, c'est bien connu. Ce sont les bateaux de Gadès. Simplement, il l'avait ramassé sur les côtes de Tanzanie ou du Kenya. Donc, on a la preuve qu'on pouvait faire le tour. Ça échouait quelquefois, puisque c'est à l'état d'épave. Hein. Mais donc, et il est vraisemblable que des Indiens ont fait aussi le tour de l'Afrique. On raconte qu'on avait trouvé des Indiens échoués sur les côtes du Danemark. Il revenait, je parle de Nekaou, il revenait en passant par Gibraltar d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelait les colonnes d'Héraclès, nec plus ultra, rien au-delà. Mais justement, il démontrait le contraire. Oui et non, parce qu'ils ne prennent pas l'Atlantique vers l'ouest. Ils ne s'aventurent pas loin dans l'Atlantique. C'est du cabotage. On fait du cabotage le long des côtes pour voir si on peut descendre le long des côtes de l'Afrique. Mais les expéditions qui ont été menées en partant justement des colonnes d'Héraclès vers le sud, semblent bien avoir échoué, pour autant d'ailleurs qu'elles aient existé, parce qu'il y a des doutes là sur certaines d'entre elles. Bon, le périple d'Annon, beaucoup pensent qu'il a existé, mais on ne sait pas très bien jusqu'où ils vont vers le sud. Le périple d'Annon, c'est le contraire de celui de Nekaou, c'est-à-dire qu'il part... Il part dans le sens inverse, c'est-à-dire comme Vasco de Gama, si j'ose dire. Il part des côtes, il part de Gadès, ou de Carthage, en fait, il part de Carthage, avec sans doute une escale à Gadès, qui est une colonie carthaginoise. Et puis, il passe les colonnes d'Hercule, puis il va à Gadès, puis il descend la côte. Mais les descriptions qu'il donne sont très flou et rien ne permet de localiser. Il faut bien dire que quand on suit ces côtes-là, on a des milliers de kilomètres de désert. C'est la façade ouest du Sahara et donc rien de très attrayant en réalité. Je vais vous faire entendre un extrait du périple d'Annon précisément. Périple au sens propre, c'est-à-dire navigation et non pas au sens déformé et vulgaire d'aujourd'hui qui signifierait voyage. Oui. Périple d'Annon, c'est le texte grec qui est traduit pour vous, lu par Christophe Lémé dans Les chemins de la connaissance de Marie-Hélène Fressé sur France Culture le 11 avril 1994. Après avoir passé à bord au large des colonnes, et avoir navigué au-delà pendant 2 jours, nous fondâmes une première ville que nous appelâmes Thumiathérion. Au-dessous d'elle était une grande plaine. Ensuite, nous étant avancés par mer vers le couchant, nous parvînmes au Soleis, promontoire de Libye couvert d'arbres. Ayant établi là un sanctuaire de Poséidon, nous naviguâmes à l'inverse dans la direction du soleil levant pendant une demi-journée, jusqu'à ce que nous fussions parvenus dans une lagune située non loin de la mer, couverte de roseaux abondants et élevés. Il y avait là des éléphants et d'autres animaux sauvages qui paissaient en très grand nombre. Nous naviguâmes de là vers le midi, 12 jours, en serrant la côte tout entière occupée par des Éthiopiens qui fuyaient sans nous attendre. Le dernier jour, nous abordâmes à des montagnes élevées couvertes d'arbres, dont les bois étaient odoriférants et de diverses couleurs. Ayant débarqué, nous n'eûmes de jour sous notre regard rien d'autre que la forêt, mais la nuit, beaucoup de feux étaient allumés et nous entendîmes un bruit de flûte, un vacarme de cymbales et de tambourins et mille cris. La peur nous saisit et les devins nous exhortèrent à quitter l'île. Ce voyage du Carthaginois à Nantes, donc, on ne sait pas très bien si quand il s'est situé, quelque part entre le 6e et le 3e siècle, ce n'est pas très précis, Maurice Sartre. Non, c'est très difficile, en plus c'est un texte anonyme qui aurait été recopié, puis traduit en grec, enfin bref, pour certains, c'est un roman à l'état pur. C'est sûr qu'on a rajouté dans le texte des éléments un peu fantastiques, que en même temps on projette sur les grands fleuves de l'Ouest africain, mais les a-t-on vraiment vus ? L'idée qu'ils ressemblent finalement au Nil, on y met les mêmes animaux, d'où d'ailleurs l'idée que le Nil, la source du Nil, ça serait peut-être dans l'embouchure de ces grands fleuves africains. C'est une idée qui trotte beaucoup dans l'Antiquité, que la source d'un fleuve peut se prendre dans une mer extérieure, comme par exemple pour le Don, on a aussi cette hypothèse. Donc, mais c'est un sujet donc assez difficile. Le problème du voyage d'Annon, du périple d'Annon, c'est que on manque totalement d'éléments concrets et fiables. C'est extrêmement difficile d'identifier, une fois qu'il a passé les colonnes d'Héraclès, le cap Spartel, aujourd'hui le cap Soloeis, comme il le nomme, et qui commence à descendre le long de la côte du Maroc actuel. Au début, bon, on voit à peu près l'Ixos, parce que c'est plus tard une colonie carthaginoise, mais dès qu'on va vers le sud, on ne sait pas jusqu'où il va. Alors certains les font aller jusqu'au Gabon ou au Cameroun, parce qu'ils parlent de volcans, ou qu'ils parlent de singes. Mais on ne sait pas très bien s'il parle de singes ou tout simplement d'Africains, parce que il y a une ambiguïté entre les deux. Il voit aussi des hautes montagnes couvertes de forêts. Le problème, c'est que des hautes montagnes couvertes de forêts, il faut aller très très loin pour en trouver. C'est vrai qu'il y a des forêts au bord de l'océan, mais pas sur des hautes montagnes. Donc on est là dans un incertain qui rend extrêmement difficile le travail de l'historien. Qui a dû faciliter à l'époque l'imagination, le rêve débridé. Je pense que on rajoute aussi aguicher le lecteur, on rajoute des éléments fantastiques et on mélange des éléments poétiques. C'est pour ça que il y a des textes que j'ai complètement laissés de côté parce qu'ils me semblent plus fantasmatiques que fondé sur une quelconque réalité. Quand on nous décrit les griffons qui gardent les mines d'or, on va beau me dire que c'est dans l'Oural, bon, on n'est pas obligé de le croire. C'est d'un scepticisme effrayant. Surtout que l'auteur en question, on l'a vu mourir chez un commerçant de sa ville, et puis il est réapparu quelques heures plus tard, quelqu'un venait de le croiser sur le bateau, mais puis il est réapparu aussi 150 ans plus tard. Donc, si vous voulez, il y a des éléments, il y a des textes, il faut laisser de côté, il faut voir qu'on est dans l'imagination. Mais il s'agit de colonisation ou il s'agit de commerce momentané? Non, ils sont partis très nombreux. Là, ils partaient très très nombreux en plus. Il y a toute une part qui met l'historien, on va dire, mal à l'aise et qui oblige en tout cas à discuter au fond. Et on n'est pas obligé de croire absolument à l'existence même du périple d'Annon. En tout cas, il n'en reste rien. Il n'en reste rien, sauf un moment de notre conversation. Oui. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Je voudrais maintenant que nous en venions à un autre voyage tout à fait mythique également, qui est celui de Pythéas, qui est propre à éclairer notre réflexion sur l'idée que les Grecs, les Romains, les Égyptiens aussi pouvaient se faire des limites du monde. Pythéas. Pythéas, c'est un Marseillais, et c'est un grec de Marseille, je devrais dire, et il navigue vers le nord, c'est-à-dire finalement, il faut bien avoir ça en tête, vers les régions les plus mal connues de la planète. Autant les Grecs, assez tôt, sont à peu près persuadés que l'océan extérieur baigne l'ensemble de l'Afrique, même s'ils ne mesurent pas vraiment l'étendue de cette Afrique, vers le nord, c'est le flou complet. Parce que le nord fait peur. Parce que c'est le pays des monstres marins, des brouillards permanents. C'est-à-dire que des phénomènes qui existent, il y a du brouillard en mer du Nord, ça on le sait, mais c'est pas tout le temps. Et c'est-à-dire qu'on crée en quelque sorte une permanence des phénomènes qui sont des phénomènes épisodiques, même si évidemment ils sont plus fréquents en mer du Nord qu'en Méditerranée. Donc l'effroi est plus septentrional que méridional chez et les Grecs. Et je pense qu'en plus on a peur d'un phénomène qu'on connaît pas en Méditerranée, qui sont les marées. Et les marées sont très importantes évidemment sur l'Atlantique. Et donc Pythéas voyage probablement sur des bateaux locaux. Il voyage avec de l'argent, et il voyage... On ne sait pas très bien dans quelles conditions, parce que de son œuvre qui s'appelait De l'océan, il reste malheureusement que une poignée de fragments, et souvent indirects. C'est-à-dire que c'est pas des citations entre guillemets comme on le ferait aujourd'hui. Donc, puisque nous avons peu de textes, ou quasiment pas de textes de ce voyageur prestigieux, Pythéas, qui est du 4e siècle avant Jésus-Christ, vers 325, oui. Je vais m'autoriser, Maurice Sartre, j'espère que vous ne me le reprocherez pas trop rudement, à vous proposer un extrait d'une création radiophonique de Louis Brocquier, qui est consacrée à l'Odyssée de Pythéas, telle qu'elle peut être imaginée à partir d'un certain nombre de documents. C'est une lecture de François Mestre, de la Comédie Française, qui joue Pythéas, sur France Culture, le 20 février 1965. Vous allez voir, c'est une sorte de discussion dans une académie de savants où on va traiter, visiblement, on va traiter Pythéas de Hableur. C'est le Marseillais Hableur. Après 6 jours de mer, en faisant route ouest-nord-ouest, j'atteignis le but de mon voyage, le pays de l'étain, les îles Cassitérides, et j'abordai au Kent. Je continuai ma route le long des côtes bretonnes jusqu'à l'île d'Orcas, où j'obtins des renseignements sur une terre au nord qu'ils appellent Tulé. D'après vous, la mer Océane aboutirait à un continent que nos géographes ne connaissent pas. Mais alors, la terre est sans fin. Comment admettez-vous cette hypothèse et la conciliez-vous avec les principes de la géographie? D'ailleurs, avez-vous vu l'île de Tulé? Laissez-moi continuer. Cette communication me paraît manquer de sérieux. Non, on nous dérange pour entendre des balivernes. La carte d'Hérodote est formelle. Les habitants de l'île m'ont donné un pilote pour sortir du chenal. Je devais faire voile au nord, sur la polaire, puis venir en grand sur tribord. C'est là que se trouve la route de l'ambre que vous recevez maintenant irrégulièrement de l'intérieur. Mais au nord, je me suis heurté sur toute la ligne à une muraille de brume si épaisse qu'il n'y avait plus d'étoiles, plus de jour, plus de nuit. Le vent tomba. Nous étions pris dans une matière opaque, laiteuse, impalpable, comme un poumon marin, et qui m'a bien paru cette fois être la limite de la terre. Ah, bon, voilà qui nous rassure. Et ce poumon n'existerait pas pour les autres. Comment font donc les Bretons pour le traverser? Oui, je ne sais pas. Mais je le saurai. Comment? Parlez. Je demande aux savants, aux magistrats de la ville de Marseille, de me donner les moyens de savoir. Il me faut 2 navires, des vivres pour 1 an. Je partirai. Je chercherai l'embouchure du grand fleuve jusqu'à ce que je rencontre la limite du monde. Si les Bretons y vont, et les marins du Nord aussi, j'irai avec les Marseillais. Et c'est nous qui publierons la découverte en la langue universelle du monde civilisé. J'ai vu sur votre visage, Maurice Sartre, un mélange d'agacement et d'indulgence à l'égard de ce texte. Alors pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que C'est une création moderne, hein, mais d'abord qui mélange à la fois des éléments qui sont tirés des rares fragments de Pythéas et d'autres œuvres beaucoup plus fantasmagoriques que Pythéas. D'autre part, c'est faire aussi le pari que Pythéas n'a pas adopté la croyance universelle de ce temps-là, à savoir que la Terre est une sphère. Il cherche pas la limite, il va pas aller au bord du monde, hein, pour voir où est-ce que, comment c'est fait. Donc ça, c'est absurde. D'autre part, Pythéas a voyagé non pas avec des bateaux depuis Marseille en faisant le tour de l'Espagne, mais il a pris l'isthme gaulois, ce qu'on appelait plus tard l'isthme gaulois, c'est-à-dire la vallée de la Garonne, pour aboutir dans la région de Bordeaux. Et puis, il a sans doute navigué sur des bateaux locaux. Il est remonté par la mer d'Irlande, à l'ouest de la Bretagne, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, hein, jusqu'aux Orcades. Après, les mystère. Orcades, les Orcades, ce sont ces îles qui sont au nord. Nord des Shetland. Et alors, ensuite, mystère, est-ce qu'il va vers en direction de l'Islande ou est-ce qu'il va en direction de la Norvège? On peut défendre les deux opinions. Tu l'es, c'est l'Islande. Ça peut être l'un ou l'autre. Moi, je fais le pari, comme beaucoup, que c'est plutôt l'Islande. Mais c'est vrai qu'on pourrait défendre l'idée de la Norvège. Pourquoi pas? Ce qui est vrai, c'est que Pythéas, dans les rares fragments, encore une fois, qui sont survivants de son œuvre, dit des choses qui ne pouvaient que choquer des Méditerranéens. Et du coup, il s'est mis à dos à la fois Polybe et Strabon, c'est-à-dire deux autorités incontestables dans l'Antiquité, qui sont des auteurs qui lui sont de bien postérieurs, mais qui l'ont traité et qui lui ont fait dire ce qu'il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit que à Tulé, il y avait 6 mois de nuit puis 6 mois de jour. Du tout. Il décrit dans un fragment que le soleil baisse, se lève, reste, il ne monte pas plus haut, dit-il, que le soleil à la 3e heure en Méditerranée, puis il retombe, il redescend. C'est-à-dire qu'il montre que les journées sont très courtes, puis qu'il y a probablement des journées très longues. C'est avéré. Ce qui est avéré. De même, c'est lui qui a observé les marées, et c'est à partir des travaux de Pythéas, des observations de Pythéas, que Hipparque de Rhodes s'est demandé si, dans le fond, vu le régime des marées on connaissait en mer Rouge, dans l'océan Indien, et celle de l'Atlantique et de la mer du Nord, est-ce qu'entre les deux, il n'y aurait pas un continent qui fait que ça expliquerait cette différence de traitement des marées? Et voilà, donc Pythéas est peut-être indirectement à l'origine d'une réflexion sur la possibilité d'une terre inconnue encore. Cela dit, il y a des marins qui se sont aventurés parfois loin à l'ouest. Il y a quelques années, à 250 km à peu près à l'ouest de l'Irlande, cette fois-ci, des marins ont remonté dans les filets une énorme poterie romaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle une olia, c'est-à-dire une grande jarre, en quelque sorte, de transport. Et donc, ça prouve que le bateau s'est probablement perdu. Hein. Ne fantasmons pas, ils n'avaient pas l'intention d'aller au Canada ou à Terre-Neuve, mais ils ont dû se perdre et ils ont coulé sur un haut fond qui s'appelle le Porcupine Bank, si je me souviens bien. Et donc, ça prouve qu'on pouvait naviguer. Et qu'il y avait des gens qui naviguaient dans ces parages, quitte à se perdre. Tout cela permettait de dresser une certaine cartographie. Comment est-ce qu'on travaillait à cet égard? On a retrouvé des cartes anciennes. Et puis la question des instruments de navigation, existait-il? Alors, des instruments de navigation, il n'y en a pas beaucoup. Mais pour ce qui est des cartes. Alors, les cartes, il y a deux choses différentes. Il y a des tentatives de représentation, effectivement, des continents. Assez grossière, on connaît évidemment à peu près les formes de l'Italie, de la Grèce, de l'Anatolie, etc. Donc en Méditerranée, ça va à peu près, mais on n'a pas les moyens de faire les relevés précis qu'on peut faire. Mais regardez encore les cartes de la Renaissance, le dessin des côtes est loin d'être tout à fait conforme à la réalité. Pour ne pas parler du centre de l'Afrique qui est un grand espace tout blanc. Ça, c'est encore autre chose. Et puis, il y a une autre tradition qui est celle des itinéraires, c'est-à-dire que en fait on n'a pas de représentation graphique en quelque sorte de représentation figurée de la Terre telle qu'elle est, mais on a des cartes très allongées avec, alors la plus célèbre c'est la table de Peutinger. 7 mètres de large. Voilà, qui est extrêmement vaste et qui va très loin. Mais alors, c'est une carte du 4e siècle, donc elle accumule toutes les connaissances dont on va parler maintenant, faites dans l'océan Indien ou en Asie centrale. Et donc on va très très loin, mais c'est pas du tout une représentation figurée, c'est pas une carte. Je vous remercie de me faciliter la transition, Maurice Sartre. Nous partons en effet maintenant vers l'Est. Il faut que nous achevions cette réflexion sur l'idée que les Grecs et les Romains pouvaient se faire des limites de leur monde en direction, bien sûr, de l'Orient. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que, donc assez tôt, la limite vers le sud est connue. L'Afrique, parce que, en plus des circumnavigations de l'Afrique dont on a parlé, il y a eu des marins grecs qui sont perdus en revenant de l'Inde en général, et qui ont été jetés sur les côtes est-africaines au sud de la Somalie, c'est-à-dire sur les côtes du Kenya, la Tanzanie, peut-être jusqu'au nord du Mozambique. Et donc, là, il y a eu un progrès de la connaissance qui est manifeste. On connaît un certain nombre de ports, d'escales, d'îles qu'on peut identifier. Le grand saut pour les Grecs, je dis bien pour les Grecs, il se produit dans cette direction-là, il y a deux grands sauts. Il y a bien sûr la conquête d'Alexandre, mais c'est par voie de terre, et là on fait connaissance avec un monde qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, on savait qu'il existait, puisqu'on y faisait voyager Dionysos et Héraclès, donc c'est l'Inde. Mais là, on a des Grecs qui vont en Inde, qui voient le pays, qui le trouvent immense, avec des fleuves comme ils n'en ont vu nulle part, d'une largeur inouïe, même le Nil apparemment ne peut pas les concurrencer. Donc ça c'est un premier choc. Et la littérature grecque change dès lors sur ces elle s'enrichit, cette région du monde. Malheureusement beaucoup de textes sont perdus et on les a à l'état de fragments. Et ça c'est un handicap parce que qui dit fragment dit sélection, choix et donc on n'a pas la totalité. Mais tout de même il y a beaucoup de textes. Et puis il y a un deuxième choc important vers la fin du deuxième siècle, c'est quand les Grecs comprennent comment fonctionne la mousson et donc se mettent à naviguer eux-mêmes directement vers l'Inde. Là, on est deux siècles après Alexandre. Deux siècles après Alexandre, vers la fin du deuxième siècle. Ils comprennent que la mousson est un phénomène de vent qui alterne, qui tantôt souffle du nord-est, tantôt du sud-ouest, et qu'il faut profiter du sens du vent pour faire le voyage. Deux mois chaque fois, à peu près. Voilà, deux mois chaque fois, et ça permet de faire un voyage annuel en Inde. On peut dire qu'à partir, pour faire court, parce que on pourrait passer toute l'émission là-dessus, pour faire court, à partir de la fin du deuxième siècle, et surtout à partir du premier siècle avant notre ère, jusqu'à la fin de l'Antiquité, la navigation sur l'océan Indien ne cesse de s'améliorer et c'est un phénomène fréquent. L'océan Indien, ce que les anciens appellent en fait la mer Érythrée, qui regroupe non seulement la mer Rouge, mais aussi le golfe arabo-persique et l'océan Indien. C'est l'ensemble des mers qui baignent l'Arabie, en quelque sorte, et qui vont de l'Afrique jusqu'à l'Inde. Ça devient une sorte de seconde Méditerranée. Et se rencontrent là des navigateurs grecs ou gréco-égyptiens, si on veut, c'est des Grecs d'Égypte qui partent des ports de la mer Rouge en Égypte, des Indiens, des Arabes, et qui se rencontrent dans tous les ports de cette région-là. Et on commence à avoir des descriptions extrêmement détaillées, extrêmement précises, notamment avec une œuvre majeure, qui est une œuvre absolument passionnante et indispensable, évidemment, pour nous, ce qu'on appelle le périple de la mer Érythrée, qui n'était donc pas simplement une navigation le long des côtes de la mer Rouge, mais de l'ensemble que j'ai décrit à l'instant. Anonyme. Qui est anonyme, qui est rédigé entre 40 et 60 de notre ère, à peu près, et qui décrit tous les ports fréquentables avec leurs spécialités, ce qu'on y vend, ce qu'on y achète. Une sorte de guide bleu, comme nous dirions. Oh, le guide bleu ne donne pas trop d'enseignements de cette nature. Non, c'est visiblement l'œuvre d'un navigateur, d'un marin, peut-être même d'un marchand, qui est très au fait de ce qui se fait, et donc qui nous décrit les ports de la mer Rouge, de l'océan Indien, du golfe arabo-persique, y compris des noms qu'on ne sait pas localiser, mais de plus en plus on en localise beaucoup. Et c'est un temps donc où les limites orientales du monde vues par les Grecs et les Romains s'éloignent en direction de l'Inde. Alors ça s'éloigne parce que les marchands donc vont jusque sur les côtes ouest de l'Inde. Certains passent le cap Comorin, c'est-à-dire le cap qui est au sud du Décan, ils passent ce qu'on appelle le détroit de Palk aussi, entre Ceylan le Sri Lanka et l'Inde, et ils vont jusqu'au port les environs de Pondichéry, puisque Arikamedou, c'est la banlieue sud de Pondichéry, Podouquet, disent les anciens. On pense que certains marins vont même jusqu'au fond du golfe du Bengale, mais ils ne vont pas beaucoup au-delà. Il y a d'excellentes cartes très didactiques dans votre livre, Le bateau de Palmyre, Maurice Sartre. Mais il est possible que des marchands, à titre isolé, aillent plus loin, mais avec des bateaux locaux. Ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on voit que les Grecs apprennent en Inde au moins la géographie qui se trouve, des pays qui se situent plus à l'est encore, parce qu'ils nous donnent des noms de volcans, de villes, de ports, de péninsules, parfois qui sont des noms hellénisés, mais parfois on découvre derrière la forme tamoule de ces noms. Et donc ils ont dû apprendre en Inde les toponymes de ces sites plus lointains, qui sont soit dans la presqu'île de Malacca, c'est-à-dire la Malaisie, Singapour, ou dans les îles de l'Indonésie, ce qu'on appelait autrefois les îles de la Sonde. Est-ce qu'il y en a qui vont plus loin ? Parfois, oui. Il y a la fameuse ambassade d'Andoun au Vietnam qu'il faut que vous éclairiez pour nous. Alors, la fameuse ambassade d'Andoun, c'est une ambassade romaine, semble-t-il, qui est répertoriée par les sources chinoises. Il y aurait eu une ambassade envoyée par un empereur Andoun. Alors Andoun, on pense à Antoninus, Antoun, évidemment. Et comme la date est fixée à 167, et ben c'est effectivement Marc Aurèle, dont le vrai nom s'appelait Marcus Aurelius Antoninus. En réalité, on doute très fort que Marc Aurèle ait envoyé une ambassade à l'empereur de Chine, qui lui fait semblant de croire que c'est bien le cas, parce que ça l'arrange, et bien sûr c'est une ambassade qui vient faire acte d'allégeance à l'empereur de Chine, il ne peut pas imaginer autre chose. En réalité, c'est probablement des marchands romains qui, pour s'introduire à la cour impériale, se sont vantés, se sont fait passer pour des ambassadeurs du lointain empereur qui n'allait pas évidemment venir protester. Ce que remarquent les sources chinoises, c'est qu'ils apportent comme cadeau des choses quand même qui sont très peu typiques de l'Empire romain, c'est-à-dire une écaille de tortue, il me semble qu'il y a une corne de rhinocéros, et puis j'ai oublié quelle était la troisième. En tout cas, c'est des produits qu'ils ont achetés en cours de route. Et qu'on considère comme indignes. Peu dignes de l'empereur de Chine, et peu dignes de l'empereur romain aussi. Mais ça voudrait dire, moi j'en garde cette idée, que on ne peut pas exclure qu'il y ait eu, de temps en temps, des marchands qui sont allés plus loin. Mais on ne peut pas dire que ça soit documenté de façon régulière. Il faut comprendre que si le monde s'élargit pour les Antiens, ça ne veut pas dire qu'il y a foule de gens qui partent d'Alexandrie ou d'un port de la mer Rouge pour aller jusqu'en Chine, jusqu'en Indonésie et parfois même jusqu'en Inde. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de commerces de relais. C'est plus vrai, évidemment, sur les voies de terre vers l'Asie centrale que sur les voies de mer. Quand on prend un bateau à Bérénike, par exemple, sur la mer Rouge, ou à Myos Hormos, on fait escale en Arabie du Sud, et puis Pline l'explique, il y a une route directe, on va droit vers le sud, vers Mousiris, parce que c'est là qu'on trouve le poivre et qu'on peut l'acheter directement au meilleur prix. Mais sur la route de la soie actuelle, dans les parties terrestres, ce sont des échanges qui se font entre des marchands qui se repassent les lignes de marchandises sans forcément parcourir l'ensemble de... Absolument, se fait beaucoup par intermédiaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je récuse même l'idée de route de la soie, parce que d'abord la soie n'est pas objet de commerce pour les Chinois, c'est d'abord un instrument diplomatique. On donne de la soie soit pour marquer son allégeance sur nous quand la Chine est au plus bas, soit au contraire pour montrer sa magnificence et qu'on est le suzerain et qu'on inonde ses vassaux de soie. La soie, elle voyage partout. Les Grecs et les Romains se la procurent beaucoup en Inde. Les riches aiment beaucoup à Rome se vêtir de soie. Il y a deux produits qu'on trouve partout dans l'Empire. D'un côté la soie et de l'autre l'encens. Parce que dans tous les temples de l'Empire romain, ou donc monde grec ou monde romain, latin, on brûle de l'encens. Alors vers cet Orient mystérieux, le regard change au cours des siècles en Grèce et à Rome. Est-ce qu'on imagine différemment les limites orientales du monde ? Oui, on le voit d'abord parce qu'il y a quand même quelques voyageurs, quelques expéditions qui vont d'un bout à l'autre de la route. La plus célèbre, c'est celle de Maës Titianos, vers 100 à peu près, de gens qui sont partis de Syrie du Nord et qui sont allés jusqu'en Chine. En tout cas, jusque dans le pays des Serres, c'est-à-dire l'est du Xinjiang. Ils arrivent à la jonction entre le Xinjiang et la Chine proprement dite. Donc, ils ont donné des mesures. Et le résultat, c'est que les savants qui ont intégré, en quelque sorte, ces données nouvelles, ont fait des calculs savants. Et Marin de Tyr, dont l'œuvre est malheureusement perdue, mais qui nous est transmise en bonne partie par Ptolémée, en avait déduit que le monde habité devait aller au moins jusqu'à 228 degrés est, ce qui est très excessif en réalité. En fait, il faut dire que les savants ne voyagent guère avec les marins, contrairement à ce qui s'est passé dans les périodes plus récentes, 17e, 18e siècle. Ils ne voyagent pas. Ils intègrent des données rapportées par les marchands, en doutant beaucoup d'ailleurs même de ce que racontent les marchands, parce qu'ils pensent que les marchands, ce qui les intéresse, c'est uniquement de faire du commerce et qu'ils racontent n'importe quoi parfois pour se faire mousser en quelque sorte. Les hableurs. Mais en même temps, ils sont bien obligés d'en tenir compte. Alors, bon. Et alors, quand Marin de Tyr fait ce calcul, ça voudrait dire que le monde habité d'est en ouest aurait doublé de superficie par rapport à ce que savait Ératosthène. Alors, Marin de Tyr est corrigé un peu plus tard par Ptolémée, qui fait remarquer qu'il s'est trompé dans ses calculs. Et puis, et ça répond à une question que vous posiez tout à l'heure, on manque d'instruments de mesure. C'est-à-dire qu'on compte en journée de marche ou en journée de navigation. Or, on sait très bien que, selon l'état du terrain, la journée de marche, on fait pas le même nombre de la même distance, et puis les routes ne sont pas droites, elles font des détours, on monte des cols, on redescend dans des vallées, etc. Donc, on n'a pas de moyen objectif de mesurer. Il n'empêche que la superficie du monde habité change énormément entre l'époque d'Ératosthène et l'époque de Ptolémée, c'est-à-dire entre le troisième avant et le deuxième après. La superficie, on peut dire, a quasiment doublé. Et surtout, on n'a pas du tout cette idée qu'il y avait au Ve siècle que l'Europe était à elle seule plus grande que l'Afrique et l'Asie. D'ailleurs, on le voit aussi dans les dénominations. Les dénominations changent. C'est-à-dire que désormais, on parle de l'Afrique. Et alors, on distingue l'Éthiopie, qui serait la partie est, c'est pas simplement l'Éthiopie actuelle, mais la partie est de l'Afrique. Nous avions vu cela dans une émission récente, d'ailleurs. La Libye. La Libye, donc, serait, il y aurait l'Éthiopie, la Libye, et puis l'Afrique. Donc, on distingue différentes parties. Et puis, on a pris conscience que l'Asie était finalement beaucoup plus étendue que ce qu'on imaginait. Mais alors, en revanche, le pays des Chinois, parce qu'on distingue quand même les Chinois des Serres, les Serres ne sont pas des Chinois, parce que le mot des Chinois, le nom des Sinaï apparaît chez Ptolémée, justement, et c'est bien les Chinois qui se marqueraient la limite est du monde habité, en quelque sorte, qu'on projette un peu plus loin qu'elle n'est en réalité, mais par exemple, il n'y a aucune allusion au Japon ou à des terres plus lointaines encore. Donc, de ce côté-là, les limites sont fixées. En revanche, les limites restent totalement floues et inconnues au nord. C'est comme ça qu'on arrive à penser que des Indiens échoués en Baltique ou au Danemark ont dû venir en faisant le tour par le nord. Nous savons, nous, que c'est impossible. Ce qui est possible, c'est qu'ils aient emprunter une route mixte, si j'ose dire, à la fois terrestre, fluviale et maritime. Ça, c'est possible. C'est-à-dire par l'Asie centrale, les grands fleuves, la Volga, par exemple. Mais en tout cas, sûrement pas par l'océan Arctique. Bering est encore loin. Hein. Donc le champ du rêve s'élargit plutôt du côté septentrional, Maurice Sartre. Est-ce qu'on peut conclure comme ça? Oui, d'une certaine manière. Je crois qu'on continue à garder à la fois le rêve, et les poètes vont garder une grande autorité parce que c'est la chose écrite et traditionnelle. Homère sera toujours Homère et toujours digne de foi. Et puis, il y a en même temps un progrès de la connaissance réelle qui est manifeste et qui se traduit bien dans les ouvrages comme ceux de Ptolémée, de Pline, je n'ai pas cité Pline, ou du périple de la mer Érythrée. Et ces deux traditions, ces deux comportements, ces deux interprétations réussissent à cohabiter? Elles arrivent à cohabiter, mais comme chez nous, après tout, le rêve, l'imaginaire sur les mondes interstellaires, la science-fiction, ne concurrence pas non plus l'exploration des navettes spatiales qu'on envoie sur des planètes lointaines. Les deux cohabitent. Eh bien, c'est la même chose. Merci beaucoup, Maurice Sartre. L'ouvrage que j'évoquais abondamment au cours de notre émission s'appelle « Bateau de Palmyre, quand les mondes anciens se rencontraient, du 6e siècle avant Jésus-Christ au 6e siècle après ». Le livre est édité par Talendier, vient de sortir. Vous savez que j'ai une dilection particulière pour un livre de vous qui remonte à 2006, qui s'appelle « L'histoire grecque », que j'aime toujours à citer. C'est une série de tableautins, d'événements, d'épisodes, de personnages qui restituent magnifiquement à mes yeux toute une période de l'histoire des hommes. Et puis vous avez donné entre autres une biographie de Cléopâtre, un rêve de puissance. Que pensait Cléopâtre de la question qui nous a réunis aujourd'hui? Elle savait qu'on pouvait faire le tour de l'Afrique, puisque à un moment elle envisage de faire le tour de l'Afrique pour prendre Octave à revers en soulevant la Gaule et l'Espagne. Elle y a annoncé parce qu'elle a dû penser que c'était peut-être un peu long. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur le site de France Culture, sur le site de Concordance des Temps, avec référence des documents que nous avons donnés, et vous pourrez également accéder à 10 ans d'archives de notre émission, une vraie bibliothèque. Samedi prochain, nous parlerons de Flaubert, de l'actualité de Gustave Flaubert, puisque France Culture, pour le 200e anniversaire de sa naissance, lui consacrera tout un week-end. Ce sera une rediffusion d'une conversation avec Michel Vinocq. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux et réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son François Rivalan et Virginie Lorda, qui commence sa carrière dans la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et en quelques instants, Christine Ockrent, Affaires étrangères.